Passons maintenant aux verbes irréguliers. Et là, c'est un peu différent. Je vais vous donner les formes irrégulières du passé composé, c'est-à-dire les participes passés des verbes irréguliers. Pour beaucoup de ces verbes, la même irrégularité qui existe au passé simple s'emploie également pour le passé composé. Par exemple, j'ai compris au passé simple, vous en souvenez? I understood. I understood. Eh bien, understood s'emploie aussi après avoir. Alors, j'ai compris au passé composé. I have understood. I have understood. Je n'ai pas compris au passé composé. I have not understood. Yes, I have not understood. Il a compris au passé composé. He has understood. He has understood. Yes. Comment dit-on dire dans le sens de dire à quelqu'un? To tell. To tell. Et au passé simple, je vous avais dit tout à l'heure? I told. I told. C'est la même forme au passé composé après avoir. J'ai dit au passé composé. I have told. I have told. Qu'est-ce que vous lui avez dit? What have you told him? Right. What have you told him? Et avec l'autre passé? What did you tell him? Good. Very good. What did you tell him? What did you tell him? Partir, vous savez comment ça se dit? To leave. To leave. Quitter? To leave. To leave. Laisser? To leave. Quand je vous disais que l'anglais, ce n'était pas difficile. To leave. Et le passé de to leave? Left. Left. Le participe passé pour le passé composé est identique. Left. Alors, il est parti au passé simple, ça donne? He left. He left. Et il est parti, avec avoir? He has left. He has left. Le passé composé se fait avec avoir. He has left. Il n'est pas encore parti, au passé composé avec avoir? He has not left yet. Right! He has not left yet. Ou bien, avec la contraction, he hasn't left yet. Acheter. To buy. To buy. Le passé, j'ai acheté, se dit I bought. I bought. C'est le même participe passé pour le passé composé. Alors, comment dit-on j'ai acheté au passé composé? I have bought. I have bought. Yes. Comment dit-on qu'est-ce que vous avez acheté aux deux formes du passé? What have you bought? What have you bought? Ou bien? What did you have? What did you buy? Right, yes. What did you buy? What have you bought? Apporter. Comment dit-on le verbe apporter? To get. Non, to get, c'est avoir, recevoir, obtenir. Apporter, to bring. To bring. Yes, to bring. Et le passé de to bring ressemble à celui de acheter. Brought. Brought, oui, acheter. Acheter, ça dit buy. Bought et bring, brought. Il m'a apporté le livre. He brought me the book. Right, he brought me the book. Il n'a pas apporté le livre. He didn't bring me the book. Right, he didn't bring me the book. Avec le passé composé, comment dit-on il a apporté le livre? He has brought me. Right, he has brought me the book. Et il ne m'a pas apporté le livre. He has not brought me the book. Good. He has not brought me the book. Lire. To read. To read. Et au passé? Au passé simple? C'est pareil. Read? No. Read. Read. Yes. Read et read s'écrivent de la même façon, c'est-à-dire R-E-A-D. Mais ça se prononce différemment. Alors, je l'ai lu au passé simple. I read it. C'est le même mot qui est employé pour le passé composé. Je l'ai lu. I have read it. Yes. Alors, je ne l'ai pas lu au passé composé. I have not read it. Yes, I have not read it. Et avec l'autre passé, je ne l'ai pas lu. I didn't read it. Right, I didn't read it. I didn't read it. Trouver. To find. To find. Et au passé? Found. C'est pareil pour le passé composé. Alors, je l'ai trouvé au passé simple. I found it. Et je l'ai trouvé au passé composé. I have found it. Yes. Et je ne l'ai pas trouvé. I have not found it. Avec l'autre passé. I didn't find it. Yes. Le verbe perdre. Perdre se dit to lose. Lose s'écrit L-O-S-E. To lose. Et son passé simple se dit lost. Lost. L-O-S-T. Lost. C'est le même mot qui sert de participe passé. Lost. Je l'ai perdu au passé simple. I lost it. Yes, I lost it. Je ne l'ai pas perdu. I didn't lose it. Right, very good. I didn't lose it. Yes. Je l'ai perdu avec le passé composé. I have lost it. Yes, I have lost it. Yes. Il ne l'a pas perdu, passé composé. He has not lost it. Yes, he has not lost it. Pour tous ces verbes, le participe passé est identique au passé simple.